aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than Hiroshima. Hiroshima, Hiroshima, y'a de la joie, y'a de la joie. Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima, y'a de la joie, oh, y'a de la joie. Viens dans mon bunker pour y passer la guerre. Coup de balle dans la tête, ça donne un air de fête. On s'arrosera des sens, ça foutra de l'ambiance. Viens d'un Bastogne, faut que ça cogne, faut que ça cogne. Patton nucléaire, roi de la guerre, De Gaulle Pétain, encule mon chien. Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima, y'a de la joie, oh y'a de la joie. Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima, y'a de la joie, oh y'a de la joie. Chercher Bijar, on échangera nos chars. Plein feu sur le Djebel, faut que ça saigne, faut que ça saigne. Soldats inconnus, face de trou du cul. Tu peux être fier d'avoir fait la guerre. Ils t'ont pris pour un con, ils t'ont pris pour un con. Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima. Hiroshima, that destroyed its useful